Cours numéro 1. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. As-salatu was-salam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fanabda fi hada al-yawm bi-idhnillahi azza wa jal fi dirasati hada al-kitab al-nafi' al-qa'id al-mutla fi sifatillah wa asma'ihi al-husna للإمام العلامة محمد بن صالح العثيمين عليه رحمة الله. Donc aujourd'hui on commence ensemble l'étude de cette risale Al-Qawa'id Al-Mutla de Cheikh Al-Uthaymeen, ay des règles sur les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hadha al-ilm kama ta'lamoun, étudier cette aqida, aqidatu salaf, c'est parmi les choses les plus profitables, les plus importantes pour un musulman. On a étudié ensemble avant la période du Hajj et de l'Eid la risala de l'imam Abdel Ghani al-Maqdisi rahimahullah al-Iqtisad fi l'I'tiqad, une risala très très bénéfique, walillahi alhamd. مع اختصارها استفدنا كثيرا. Et à partir d'aujourd'hui, on a choisi ensemble d'étudier هذا الكتاب. لماذا؟ لأن العقيدة elle est fondée sur أركان الإيمان الست, les six piliers de la foi. Et le premier pilier c'est l'إيمان بالله. Et من الإيمان بالله c'est l'إيمان بأسمائه ووصفاته كما سيأتي كلام شيخ العثيمين رحمه الله في المقدمة إن شاء الله تعالى. فعلى كل حال هذا العلم لتخز بقطة, فنحمد الله سبحانه وتعالى ونشكره. On doit être reconnaissant, c'est une ni'ma عظيمة de pouvoir s'entraider, étudier ensemble cette aqida, et خاصة à cette époque كم من الناس sont في غفلة. Comme les gens, ils perdent leur temps dans des choses futiles. Comme les gens, ou alors s'ils font des efforts pour l'ilm, ils commencent pas par les priorités. Et en fait, ils se font du mal à rien. C'est une ni'ma azima. On doit tous s'en rendre compte. Mitla hadhihi ad-durus qui sont basés sur des livres des savants de la sunna, c'est une ni'ma azima. On doit faire attention à la ghafla. Et كذلك, on doit faire des efforts أكثر. C'est une ni'ma. Et من شكر هذه النعمة, c'est de faire des efforts. Être reconnaissant avec la langue, avec le cœur, avec le jawarih, avec les membres. وهذا العلم, que ce soit علم العقيدة ou autre, يحتاج إلى جهد. Il faut faire des sacrifices. Il faut faire des efforts. خاصة au départ. فلهذا النصيحة لنفسي وللإخوان de s'entraider, de continuer à faire des efforts. المراجعة والحفظ والحضور bien sûr, assister, apprendre par cœur ce qu'il faut apprendre par cœur, réviser, s'entraider avec ton frère s'il a mal compris. Tout ça لله عز وجل. Et هذا الكتاب ou autre fibab al-asma wa sifat, il va t'aider akhil karim akthar. Limadha? Lianna celui qui connaît Allah subhanahu wa ta'ala, ay une connaissance qui est fondée sur l'ilm, ala chakana, ça va lui faciliter beaucoup de choses. Lianna ce qui fait du mal à la communauté aujourd'hui c'est le jahl, c'est l'ignorance. Comme les gens ils ont une bonne niya, lakin ils sont à la jahl. Robama, ils font des choses, ils exagèrent. Robama, ils délaissent les priorités. Ahyanan, ils passent du temps dans une chose qui n'est pas légiférée, c'est une bid'a, quelque chose de muhdath. Et, falhaqiqa, ils perdent leur temps. Et beaucoup de choses, min hadha al-bab. Fal-ilm, c'est quelque chose de très très important. Lakin ilmun ala al-kitab ou ala al-sunna ala fahm al-salaf. C'est pour ça que on doit commencer par ce genre de livre. Sans négliger les autres ulum. Il y en a comme les gens. Ils aiment l'ilm. Et ils passent du temps fil ilm, lakin ils n'empruntent pas la voie des salafs. فتجد مثلا البعض سنين هم يدرسون في اللغة سنين des années ils apprennent la langue arabe et ils font aucun effort في باب المعتقد. فلهذا ربما بعضهم ils ont appris la langue arabe ثم ينحرف. Le premier égaré qui parle il le suit et ربما il combat أهل الحق. فهذا c'est pas علم الكتاب والسنة على فهم السلف. لا. On doit faire attention que هذا العلم ça devient pas une forme de passion. On apprend parce qu'on aime l'apprentissage. فقط لا. Si tu aimes l'apprentissage, c'est une ni'ma azima, lakin on fait attention aux passions. Tu apprends comme les salaf ils ont appris. Il y a un ordre, il y a des priorités. Et parmi la chose la plus importante, c'est هذا المعتقد. هذا المعتقد l'apprendre avec إخلاص كذلك بالتدرج étape par étape. كم من الناس ils aiment هذه العقيدة et ils sont على السنة ولله الحمد لكن ils se précipitent et ils n'avancent pas في العلم au lieu d'étudier les livres étape par étape. C'est ce qu'on essaie de faire ensemble à l'اقتصاد في الاعتقاد le premier livre العقيدة ou autre. Ça peut être الواسطية, ça peut être اللمعة, ça peut être اللامية. Ça peut être Tuhaf de l'imam Shawkani. Mouhim, un livre mukhtasar. Ça peut être aussi le sunna de l'imam Ahmed. Un livre mukhtasar. Thumma un deuxième livre. Maintenant, on a choisi nous le qawaid al-mutla. C'est spécifique sur les noms et les attributs. Les malades, il y en a les autres livres de Aqida sur la croyance. Une grosse partie des livres qui traitent le sujet de l'Aqida, c'est sur les noms et les attributs. Il faut avoir des règles, c'est mouhim. Ça t'ouvrira beaucoup de portes. Si tu étudies le Tahawiyya ou le Tadmouriya ou le Wasitiyya, tous ces livres, tu as besoin de mille hadith al-qawaid. Sinon, un autre livre, avec de l'apprentissage par cœur. Mathalan, le Tahawiyya ou le Wasitiyya, ou Muqaddimat ibn Abi Zayd, ou autre. Mouhim, un livre, ou Aqidat al-Salaf, l'imam al-Sabouni. Sinon, des autres livres. حتى tu arriveras inshallah à un niveau tu pourras comprendre les livres de l'imam Ibn Taymiyyah rahimahullah kat-tadmuriyya wal-hamawiyya et les autres livres al-muwassi'a al-rudud كذلك les livres de l'imam Ibn Qayyim rahimahullah as-sawa'iq al-mursala al-nuniyya وهكذا التدرج. Ça c'est très très important. Bah, si tu as compris هذا الكلام الحقيقه tu peux retirer deux points akhi al-karim. Al-ikhlas c'est muhim. Pourquoi tu apprends هذا العلم? C'est ce qu'on a cité en disant que ça ne doit pas être sous forme de passion. Là, ça doit être لله عز وجل. Deuxième chose, la façon. Comment apprendre? Enfin, il y a une méthodologie, il y a des livres à étudier avant d'autres. Il y a des choses à comprendre pour pouvoir comprendre d'autres choses qui viendront après. Enfin, si tu as compris هذا, Al-Ikhlas, tu es sincère et tu sais comment apprendre. Walillah alhamd, on a traité ce sujet plus d'une fois. Al-Manhajiyya fi talab al-ilm. Et celui qui ne sait pas, il demande. Comment faire? Par quoi commencer? Qu'est-ce que je dois apprendre par cœur? Qu'est-ce que je dois noter? Comment je dois réviser? Hatta al-insan yakhtasir al-tariq. Il y en a بعض الإخوة ربما سنين في العلم, des années في العلم, et tu vois, et eux-mêmes ils le disent, annahum ils avancent pas beaucoup, ou ils avancent pas du tout. Fi hadha al-hal il y a un problème. Même si l'insan il a des difficultés fil hifz, ou il a des difficultés à comprendre certaines choses, il avancera moins que d'autres peut-être, lakin il avancera, lakin al-mushkila anna al-ba'd ils avancent plus. C'est qu'il y a un problème quelque part. L'insan al-muwaffaq avant de se précipiter, de vouloir avancer, il demande al-tariq. Quel moussafir, celui qui veut voyager, s'il ne connaît pas le chemin et il veut foncer alors qu'il ne connaît pas la route, il va perdre son temps. Peut-être qu'il va prendre une mauvaise direction et il va s'éloigner. Hakada s'il n'a pas de provision. Même s'il connaît le chemin, s'il n'a pas de provision, rubbama yanqati' fi at-tariq, fi wasat at-tariq. Les provisions, c'est al-ikhlas. La plus grande provision, c'est l'ikhlas. Et le chemin, c'est al-manhajiyya, c'est la méthodologie, comment apprendre. Et هذا الكتاب, القواعد المتلى de l'imam, الشيخ محمد بن صالح العثيمين, rahimahullah ta'ala, à beaucoup de nos frères, ils le connaissent, walillahi alhamd. C'est un livre sur, sur les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. فنبدا قراءة المقدمة شيخ باز رحمه الله الى préfacé le livre. قال رحمه الله لمقدمة شيخ باز: فقد اطلعت على المؤلف القيم الذي كتبه صاحب الفضيلة العلامة اخونا الشيخ محمد بن صالح العثيمين في الاسماء والصفات وسماها القواعد المثلى في صفات الله واسمائه الحسنى وسمعته من أوله إلى آخره فألفيته كتابا جليلا قد اشتمل على بيان عقيدة السلف الصالح في أسماء الله وصفاته. C'est ce genre de livre qu'on a besoin, nous. Des règles, vous allez voir, très très simple. Sept règles dans les noms, sept règles dans les attributs, sept règles dans les noms et dans les attributs. Et à la fin du livre, c'est des redoutes, des répliques contre Ahlul Bida' dans ce bête, et dans les noms et les attributs. C'est ce genre de règles qu'on a besoin. Vous avez remarqué que al-ilm, pour comprendre, tu as besoin de bases. Tu as besoin de bases. Et ces bases, pour les comprendre, il faut les étudier. Ça ne suffit pas une simple lecture. C'est pour ça que tu as des livres, fi al-aqida ou fi al-asma ou sifat, probama des mujallad. Et si tu n'as pas compris ce genre de règles, probama tu vas lire. Peut-être que tu comprendras certaines choses. Là, ce n'est pas fondé sur des règles. Tu oublieras très vite. Ou, et c'est plus grave, c'est possible de ne pas comprendre comme ils ont compris les salafs. A'yadun billah al-ba'd yuharrifoun, ils déforment. Al-ba'd yufawwidoun, ils rejettent le sens. Al-ba'd yu'attiloun. Pourtant les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala sont cités dans le Coran al-Karim. Limada. Pourtant ils lisent comme tu lis et ils étudient comme tu t'étudies. Lakin, ils n'ont pas suivi la voie des salafs. Cheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah ta'ala fi hadha al-kitab, il a résumé la voie des salafs fil asma et wa sifat. Et comment tu dois comprendre les noms d'Allah Azza wa Jalla et les attributs dans il a résumé tout cela dans ce livre. Falihada, ces qawa'id, ces règles, ces bases, ces fondements, c'est très très important pour talibul ilm, surtout au départ. Que ce soit fil aqida ou autre. Et on a répété hada ensemble kathiran walillahi alhamd. Que ce soit dans la langue arabe, que ce soit dans le fiqh, que ce soit dans l'aqida, que ce soit dans le tawhid, que ce soit dans le hadith. Tu as besoin de règles. Cette règle, tu verras que c'est une phrase, ou deux phrases, ou trois phrases, et elle te résume beaucoup de choses. Si tu as compris la règle, tout ce qui viendra après, tu verras que c'est très très simple. Maintenant, les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils sont parfaits. Il n'y a pas de manquement, il n'y a pas de défaut, il n'y a pas d'imperfection. C'est une règle. Si tu as compris cette règle, va même en ce vers, tu sais que ça ne peut pas faire partie des attributs d'Allah Azza wa Jal. C'est une règle. Une règle, Allah Azza wa Jal ne ressemble pas à la créature. Et la créature, elle ne peut pas ressembler à Allah Azza wa Jal. C'est une règle. Si tu entends wahed essayer ou penser un tel attribut, c'est comme l'attribut d'Allah Azza wa Jal, tu sauras que c'est batel et c'est très très grave. L'imam al-Aliyana, tu as une règle. Ou hakada, d'autres qawa'id qui te permettront de comprendre hadha al-bab al-azim. Ce chapitre, les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala et les attributs, c'est le chapitre le plus important. Ma'rifatullah subhanahu wa ta'ala. C'est ce qu'on avait étudié ensemble fil usul al-thalat. Le premier fondement, ma'rifatullah. Comment connaître Allah subhanahu wa ta'ala? Avec ses noms et avec ses attributs. Qu'il a cité, Azza wa Jal, fil Qur'an. Ou qu'il a révélé son prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Ce genre de livre, c'est très très important pour chacun de nous. Enfin, cette brève introduction, c'est pour nous motiver, pour qu'on se rende compte de cette ni'ma. Cette ni'ma est de pouvoir lire ensemble un livre d'un imam. في هذا الباب أي في باب الأسماء والصفات pour nous motiver أكثر والله المستعان. فنقرأ مقدمة شيخ العثيمين رحمه الله وبالله التوفيق. قال المؤلف الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبعهم بإحسان وسلم تسليما وبعد فإن الإيمان بأسماء الله وصفاته أحد أركان الإيمان بالله تعالى وهي الإيمان بوجود الله تعالى والإيمان بربوبيته والإيمان بألوهيته والإيمان بأسمائه وصفاته كما تقدم أن هذا الباب أي الأسماء والصفات صافي بارتي دو الإيمان بالله والإيمان بالله سي أحد أركان الإيمان كما قال الشيخ رحمه الله قال منزلة العلم بأسماء الله وصفاته من الدين وهذا سي مهم de connaître la valeur, le rang de هذا العلم أي علم أسماء الله وصفاته les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala et ses attributs. قال وتوحيد الله به أحد قال وتوحيد الله به أحد أقسام التوحيد الثلاث أي توحيد الله به أي بأسماء الله وصفاته توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات هذا تقدم معنا كثيرا dans les دروس التوحيد on avait détaillé ces trois catégories توحيد الله سبحانه وتعالى ينقسم إلى ثلاثة أقسام توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات Qui sait qui peut récapituler معنى توحيد الربوبية عندما تفضل نعم توحيد الله سبحانه وتعالى في أفعاله أي أن الله سبحانه وتعالى سي الرازق سي المحيي سي المميت هذا هو توحيد الربوبية On n'a pas le droit de croire que autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala il peut créer, il peut guider, il peut donner. Là, tout ça c'est biyadillahi azza wa jal. فلهذا يجب علينا جميعا أن نوحد الله سبحانه وتعالى في الربوبية أي أنه سر الرب عز وجل توحيد الألوهية تفضل أحسنت توحيد الألوهية أن الله عز وجل هو المستحق للعبادة وحده أي لا يستحق العبادة أحد إلا الله سبحانه وتعالى Personne ne mérite هذه العبادة العظيمة sauf الله عز وجل On n'a pas le droit d'adorer autre qu'Allah Que ce soit un salih, que ce soit un nabi, que ce soit un rasoul, que ce soit un ange Que ce soit un proche, que ce soit un vivant, un mort, لا يجوز العبادة حق لله سبحانه وتعالى Et ce tawhid, c'est معنى la ilaha illallah. Ce tawhid, on l'a étudié ensemble dans la série de cours sur التوحيد. Kitab tawhid, kashubuhat, etc. Et هذا التوحيد, c'est معنى la ilaha illallah. Et هذا التوحيد, c'est دعوت الرسل جميعا. أما توحيد الربوبية, ça ne suffit pas pour entrer dans l'islam. De reconnaître Allah subhanahu wa ta'ala que c'est lui le Rabb, c'est lui le créateur. فهذا سي مهم لكن ساسوفي با لا بد من توحيد الربوبيه اي توحيد الربوبيه سوا امبليكي اي celui qui reconnaît Allah comme créateur il doit forcément adorer Allah seul عز وجل هذه الاقسام اتسونلي توحيد الربوبيه والالوهيه والاسماء والصفات توحيد الاسماء والصفات c'est ce qu'on va étudier ensemble ان شاء الله تعالى في هذا الكتاب اي on en a parlé déjà dans le dors, dans le livre précédent et on en reparlera كثيراً dans cette série إن شاء الله تعالى. قال رحمه الله فمنزلته في الدين عالية وأهميته عظيمة أي توحيد الأسماء والصفات منزلته في الدين عالية عالية أي le rang la valeur la place de هذا العلم connaître Allah subhanahu wa ta'ala bi asma'ihi wa sifatihi c'est quelque chose de très très important لماذا لان الله عز وجل c'est le khaliq c'est lui qui nous a créé c'est lui qui nous a donné c'est lui qui nous a guidé c'est lui qui va nous juger Le minimum pour chacun d'entre nous, c'est de connaître هذا الرب عز وجل. لماذا؟ لأنه il nous a créé, subhanallah, il nous a adoré de l'adorer. On doit faire des efforts pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala à la ilm. قال ولا يمكن أحدا أن يعبد الله على الوجه الأكمل حتى يكون على علم بأسماء الله تعالى وصفاته ليعبده على بصيرة. قال الله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وهذا يشمل دعاء المسألة ودعاء العبادة. لا يمكن أحدا أي بخسن نبغى أدعو الله سبحانه وتعالى على الوجه الأكمل. على الوجه الأكمل. Ça ne veut pas dire que celui qui ne connaît pas les noms et les attributs n'adorera pas Allah subhanahu wa ta'ala, il n'est pas un musulman là. Lakin al-kamal. Et celui qui va atteindre les hauts rangs, adorer Allah subhanahu wa ta'ala à la basira, s'écarter des innovations, de l'ignorance, etc. Là, chacun, il doit donner du temps à هذا العلم. حَتَّى يَكُونَ عَلَى عِلْمِ بِأَسْمَاءِ اللَّهِ تَعَالَى وَصِفَاتِهِ. Ça nous montre que c'est une priorité. C'est la base du dîme. C'est la base de notre dîn, connaître Allah subhanahu wa ta'ala. Qala, liya'budahu ala basira, ay ala ilm. Al basira huna c'est bima'na al ilm. Adorer Allah subhanahu wa ta'ala bi ilm. Et pour pouvoir adorer Allah subhanahu wa ta'ala ala ilm, on doit avoir des bases fi hadha al bab al azim. Ay dans les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, avoir des connaissances. Walou, celui qui ne peut pas se consacrer au ilm toute la journée, toute la semaine, walou, un moment. Walou, l'étude de cette risala, Al-Qawaid al-Mutla, c'est une risala qui est très très courte, fil haqiqa. Walou, cette risala avec un autre livre de Aqidah, il est insane, il est à la khayr. Celui qui ne peut pas étudier les autres livres, au moins. Le minimum. Lakin, on vit à une époque, ce minimum, c'est devenu saqil. On ne dit pas al-awam. Ceux qui ne connaissent pas sunnah, ceux qui ne connaissent pas ulama sunnah. Là, hatta ceux qui sont à la sunnah et qui connaissent sur Ibn Uthaymin, Rubama, ils connaissent ce livre, Rubama, ils l'ont acheté. Rubama, il est chez eux, ils l'ont en leur possession. Et c'est devenu saqil. On ne dit même pas de l'étudier, de l'ouvrir là. On vit dans une époque de fitna. On vit dans une époque où tout est fait pour t'écarter du ilm. Chez toi, à l'extérieur, avec tes amis, avec tes proches, en période de vacances, en période de travail, tout est fait pour t'écarter du ilm. Et le temps il passe très très vite. Comme il y a des gens qui taqamu. Wallahi alhamd, ils aiment la sunnah, lakin ils sont tombés dans ayadan billah le système de dunya, travail maison vacances, travail maison vacances. Hatta peut-être que هذا الاخ ou هذه الاخت, ils ont des années fait l'istiqama, des années wallahi alhamd انهم ils sont entrés dans l'islam, ils aiment la sunnah, lakin il y a un énorme ضعف, une énorme faiblesse fi l'ilm. Et ça fait beaucoup de mal. Ça fait beaucoup de mal. L'insane, il a besoin de ce minimum. Comment tu vas adorer Allah subhanahu wa ta'ala si tu ne connais rien d'Allah subhanahu wa ta'ala? Thumma l'ahkam. Si on ne fait pas des efforts kadhalik fi al-ahkam. Comment adorer Allah subhanahu wa ta'ala alors qu'on n'a pas un minimum? Comment faire salat, comment faire l'wudu, comment faire le hajj, comment faire le siyam? Et vous avez remarqué que celui qui ne fait pas d'efforts fi hada, il sera bloqué. Il doit adorer. S'il ne fait pas d'effort sur l'ilm, il tombera dans Mada, imma dans les innovations, imma les coutumes. At-taqlid, une des deux. C'est pour ça que, awamun nas, vu qu'ils ne font pas d'effort sur l'ilm, et ils sont attirés par dunya faqat, lakin ils aiment l'islam. C'est pour ça, maintenant, si tu prends l'exemple du hajj, ils font le hajj. Lakin, si tu les vois comment ils font le hajj, c'est fondé sur les coutumes. Ou le taqlid, ou le suivi aveugle. Ils lui ont dit de faire ça, il fait ça. Même anta, si tu lui montres, bi'ilm, bi'dalil, anna, cette chose, ça n'existe pas, il te dira, lakin, on m'a dit. Oh, mon père, il a fait. Ou dans mon pays, ils font. Ou le guide du hajj, il a dit. Lima, anna, ceux minimum cette base du ilm, elle a été perdue عند كثير من الناس. أو البدع. Des inventions. كثير من المسلمين ils veulent faire des efforts في العبادة لكن il leur manque هذه البصيرة. Ils vont inventer. Faire des choses, il n'y a aucune source. La haqiqa, ça ne fait pas partie de notre din. لماذا لأن il manque هذا الشرط العظيم. Cette condition على بصيرة. ولا تظنون أن on est à l'abri. لا. كم من الناس ils ont critiqué العوام. Et les musulmans de la masse qui ne connaissent pas beaucoup leur din. Et ils les ont critiqués كثيراً. أنهم يسوّي aveuglément l'imam Malik ou يسوّي aveuglément l'imam Abu Hanifa ou autre من الأئمة. ثم هم avec le temps ils font exactement la même chose. أن tel sheikh il a dit il ne fait plus l'effort de rechercher le haq. Il ne fait plus l'effort de faire des efforts في العلم. حتى si le sheikh il s'est trompé, il a la qudra de suivre un autre sheikh. لماذا لأنه il a ce minimum. Il ne tombera pas dans le suivi aveugle. Fal-hadar. On fait attention. Hadha al-bab, c'est un bab azim. Et le fait d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala à la basira, c'est la base du din. La ilaha illallah, kama taqaddam, le sens c'est la ma'abouda haqqun illallah. Et la yastahiq ahadun al-ibada illallah. C'est ça la base de l'islam. Et cette ibada, comment tu fais? Tu dois adorer Allah seul. Donc tu dois l'adorer. Comment tu vas l'adorer si tu n'as pas de ilm? Tu vas l'adorer avec quoi? Quel outil? Qu'est-ce qui va te permettre de savoir cette chose c'est sunnah, cette chose c'est bid'ah, cette chose c'est halal, cette chose c'est haram? Cette chose il faut faire de telle façon ou de telle façon. Tu as que le ilm. Si tu délaisses cette lumière à l'ilm, tu seras manipulé. Imma par le jahl, imma l'ignorant, imma les innovations, imma at-taqlid. Tu seras obligé de suivre aveuglément. Il se trompe, tu te trompes avec lui. Il s'égare, tu t'égares avec lui. Iyadam billah. قال شيخ العظيمين قال الله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وهذا يشمل دعاء المسألة ودعاء العبادة. ابن القيم رحمه الله له كلام جميل في هذا الباب. قال كما في الجواب الكافي أو كذلك يلعبل الداء والدواء كتاب عظيم. قال رحمه الله من عرف الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته وأفعاله أحبه لا محالة. Celui qui adore Allah subhanahu wa ta'ala ou qui connaît Allah subhanahu wa ta'ala بأسمائه وصفاته, il a des bases, il a des connaissances في هذا الباب. باب الأسماء, les noms d'Allah. باب الصفات, les attributs d'Allah. باب الأفعال. كذلك الله سبحانه وتعالى il fait des choses. Celui qui connaît ces trois points, أحبه لا محالة. Il aimera Allah subhanahu wa ta'ala. لماذا؟ لأنه il saura que si il fait telle chose, Allah subhanahu wa ta'ala il lui donnera telle chose. Il saura que Allah subhanahu wa ta'ala c'est le ghafour, c'est le rahim, c'est le karim, c'est le rafiq. فلا شك أنه il va aimer Allah subhanahu wa ta'ala. Il saura que Allah subhanahu wa ta'ala il veut son bien. Il saura que Allah subhanahu wa ta'ala il l'a créé, c'est pour le récompenser, pour le faire rentrer fil jannah. Fa la shak annahu il aimera Allah subhanahu wa ta'ala. Al-ibad, un abd, si il t'aide dans quelque chose, la shak annahu, ça te pousse à l'aimer. Ça te pousse à l'aimer. C'est ton frère, il t'aide dans quelque chose, tu sais, matalan annahu, il a voulu t'aider, ou il a parlé de toi en bien, ou il veut ton bien, la shak, ça te pousse à l'aimer, même si tu ne le connais pas. Et celui qui connaît Allah subhanahu wa ta'ala avec ses noms et ses attributs, لا شك أنه يلمغ الله عز وجل. Pourquoi on vit à une époque الآن أن كثيرا من الناس عيادا بالله ils ont une mauvaise pensée de la religion. لماذا لأنهم ils ont pas compris. Ils ont compris la religion avec les médias, avec un tel il a dit, avec les actes de certains musulmans qui font des choses mauvaises. Et ils sont repoussés. Ils ne sont pas attirés. Les mains, les naoum, ils ne connaissent pas. Ils ne connaissent pas Allah, ils ne connaissent pas le Rasoul, ils ne connaissent pas sallallahu alayhi wa sallam, ils ne connaissent pas l'islam. Wallahi, anna al-kafir. Al-kafir que tu vois l'un qui combat l'islam, il connaîtrait Allah Azza wa Jalla. Il connaîtrait l'islam et le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Il ne pourrait pas détester l'islam. Abadan. Abadan. Les mains, les naoum, ils auraient compris que c'est pour son bien. لكن الله سبحانه وتعالى له حكمة جد كيف على كل حال نحن سيون في ديزفا في هذا البيت ونمغى الله سبحانه وتعالى. Et si tu aimes Allah سبحانه وتعالى tu feras tout pour satisfaire Allah Azza wa Jalla. Tu t'écarteras de ce que Allah il déteste. Tu feras des efforts pour que Allah subhanahu wa ta'ala il t'aime, il soit satisfait de toi. Et tu progresseras dans ton din. Ils font des choses pour satisfaire certaines personnes, même si Allah il déteste cette chose. Les malades. Pourquoi? Les annahum, ils ont des faiblesses fi hadha al-bab, les noms et les attributs d'Allah Azza wa Jalla. Et ils sont attirés, ils font beaucoup attention à l'apparence. Eh, il ne faut pas qu'un tel il les critique. Si je fais telle chose, peut-être qu'un tel il va le prendre mal. Donc peut-être qu'il va désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala que pour satisfaire un abd. Un homme ou une femme. A'yadam billah. Qala ibn al-Qayyim rahimahullah, on répète, man arafa Allah bi asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi ahabbahu la mahala. Il aimera Allah subhanahu wa ta'ala sans aucun doute. Et s'il met en application هذا العلم, Allah subhanahu wa ta'ala, il l'aimera. Et là, on a une deuxième chose qui est très importante. Et c'est la suite du kalam de Cheikh Ibn Uthaymeen, rahimahullah, أن هذا العلم, si tu veux que cette science soit profitable pour toi, il faut mettre en application. ثمرت هذا العلم, c'est l'amal. وَإِلَّا فَبِلَا عَمَلْ فَهَذَا الْعِلْمِ il est d'aucune utilité. On revient au kalam qu'on a dit ensemble au départ. هَذَا الْعِلْمِ ça ne doit pas être sous forme de passion. On apprend les noms et les attributs. لِمَاذَا لِأَنَّا c'est intéressant. Et on veut avoir des connaissances. ثُمَّا الْعَمَلْ ça ne suit pas. هَذَا c'est pas correct. Là, on apprend les noms et les attributs. Ça doit nous pousser à appliquer. Comment tu vas appliquer? اسمع كلام شيخ ابن عثيمين ورحمه الله قال وهذا يشمل دعاء المسألة ودعاء العبادة أي قوله ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها الله il a des noms عز وجل parfait فادعوه بها tu dois invoquer Allah subhanahu wa ta'ala par ses noms et ça c'est la mise en application de ce ilm que tu as appris أي les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala et ses attributs. قال فدعاء المسألة. Donc الدعاء العلماء il le partage en deux. الدعاء المسألة ودعاء العبادة. Et en lisant, ça va être plus clair إن شاء الله. قال فدعاء المسألة أن تقدم بين يدي مطلوبك من أسماء الله تعالى ما يكون مناسبا مثل أن تقول يا غفور اغفر لي ويا رحيم ارحمني ويا حفيظ احفظني ونحو ذلك. فتأمل هذا. Celui qui sait, il a la conviction, أن الله c'est le غفور. Al غفور c'est un اسم من أسماء الله عز وجل. Et il y a beaucoup de أدلة في هذا. فالسلوي qui connaît ce nom et كذلك يؤمن أن هذا الاسم يرنفرم une صفة عظيمة الغفور. أن الله سبحانه وتعالى يبardon. لماذا؟ لأنه سي الغفور. C'est lui qui pardonne عز وجل. فسي هذا المؤمن il a fait un péché, il a eu un manquement, il a commis une injustice, il s'est énervé, il a perdu son sang froid, il a agré, et ça arrive à chacun de nous, il sait que Allah سي الغفور. لماذا؟ لأنه il a des connaissances هذا. Il connaît les preuves, il sait que Allah سي الغفور, il a agré. فكيس qu'il va faire s'il met en application son علم, il va faire مثل هذا الدعاء. Ya Ghafour, ya Ghafirli. Pourquoi Ba'd al-Nas, et Obama vous en connaissez, ils ont atteint un certain stade, Iyadam Billah, dans l'égarement, dans les péchés, ils pensent qu'ils ne peuvent plus faire Tawbah. Ils pensent que Allah, il ne va pas leur pardonner. Les Ma'adal et Annahum, ils ont été trop loin. Kama Yaqouloun, comme ils disent, comme ils prétendent. Ha'oula, celui qui pense, Annahou, il a fait beaucoup de péchés, et il a été trop loin et Allah ne pourra plus lui pardonner. هذا c'est un جهل بأسماء الله عز وجل. Et c'est très très grave. Et cette ignorance, elle peut le pousser à la perdition. مربما il s'égare, حتى il quitte complètement l'islam, il ne fait pas tawba et il meurt sur la mécréance. عيادًا بالله. Et il finira avec les mécréants يوم القيامة. لماذا? À cause de هذا النقص. أما celui qui a donné du temps et qui met en application, même s'il a fait des péchés, il sait que Allah subhanahu wa ta'ala est ghafour. Fa abadan yaqnat min rahmatillah. Abadan il désespère. Ça c'est pas min sifat al-mu'minin. qui connaissent leur din et qui mettent en application. Ceux qui pensent que khalas, Allah ne peut pas leur pardonner. Et Yaravour, irhamni. هذا المؤمن même s'il a fait il s'est fait du tort à lui-même ou aux autres, il demande pardon. وهكذا يا رحيم ارحمني. هذا c'est du'a ou le mas'ala. Et tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala une chose avec ses noms. Et bien sûr, il faut que le nom il soit munasib. Si c'est al-Ghufran et al-Rahman, enfin, tu demandes avec هذه الاسماء يا غفور يا رحيم. وهكذا par rapport au sujet que tu demandes. C'est le dua qu'on connaît tous. Est-ce que tu as fait un dua ce matin? C'est hada nawa qui est visé. Aïe, demander à Allah subhanahu wa ta'ala. Le deuxième qism, قال wa dua ul ibada. An tata'abbad lillahi ta'ala bi muqtada hadhihi al-asma. Fataqum bi tawba ilayhi li annahu tawwab. Wa tadhkuruhu bi lisanik li annahu sami'. وتتعبد له بجوارحك لأنه البصير وتخشاه في السر لأنه اللطيف الخبير وهكذا هذا الدعاء سانغلوب توت العبادات. Ça nous montre l'importance des noms et des attributs. هذا الدعاء سانغلوب جميع العبادات. فمثلا التوبة, pourquoi on fait التوبة؟ لأن الله c'est التواب. Celui qui sait que Allah c'est التواب et il accepte le repentir, ça le poussera à faire التوبة. كذلك السميع, Allah il entend. Celui qui sait أن الله سبحانه وتعالى c'est le سميع, ça le poussera, ça le motivera à faire كثير من العبادات, قراءة القرآن, du tikr, الأمر بالمعروف, النهي عن المنكر. لماذا؟ لأن الله il entend et veut se rapprocher d'Allah سبحانه وتعالى بهذه العبادة. بعض العلماء يذكرون une فائدة هنا pour t'aider à comprendre pourquoi ils ont appelé العبادة دعاء. Tu as deux du'a. Tu as du'a al-mas'ala, c'est avec la langue. Maintenant, tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il te pardonne. Allahumma ghfirli. C'est un du'a. Ça, c'est du'a al-mas'ala, avec al-lisan, avec la langue. Le deuxième du'a ou l'ibadah, c'est quand tu fais une adoration, c'est un du'a. Maintenant, si tu fais salat, c'est un du'a. Ba'd al-ulama, ils ont cité une faïda pour te faciliter. Si on prend l'exemple de salat. الصلاة c'est une ibadah, c'est un dua. Pourquoi tu fais salat? لأن الله أمرك, Allah t'a ordonné. Et ton but c'est quoi? C'est que بهذه الصلاة Allah subhanahu wa ta'ala te fasse rentrer في الجنة et t'écarte من النار. ففي الحقيقة c'est comme si tu avais demandé à Allah عز وجل qu'il te fasse rentrer في الجنة et qu'il t'écarte من النار. C'est pour ça que cette ibadah c'est un dua. Tu fais le hajj, c'est la même chose. Pourquoi tu fais le hajj? Parce que Allah il a ordonné, bien sûr, Azza wa Jal. Et كذلك, un de tes objectifs, c'est que si tu reviens min al-hajj, Allah il t'a pardonné tes péchés. Enfin, en fait, si tu as fait le hajj, c'est comme si tu as demandé à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il te pardonne tes péchés. Et هكذا جميع العبادات. Enfin, du'a ou l'ibada, c'est le fait de adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Mettre en application ilm al-asma wa sifat. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ومن أجل منزلته هذه ومن أجل كلام الناس فيه بالحق طارة وبالباطل الناشئ عن الجهل والتعصب طارة أخرى. بعض الناس أو plutôt les gens في هذا العلم la science le chapitre des noms et des attributs tu peux les classer en deux catégories أهل الحق وأهل الباطل. Ceux qui parlent et qui mettent en application bihaq et ceux qui se sont égarés. Ahlul haq, c'est Ahlul Sunnah, As-Salafiyyoun, Walillahi alhamd, Ahlul Hadith, ceux qui ont compris ce chapitre comme ils l'ont compris les Salafs, et Ahlul Batil, c'est ceux qui se sont égarés. Imma avec ignorance, imma les passions. فَلِهَذَا قَالَ وَبِالْبَاطِلْ أَنَّاشِ عَنِ الْجَهْلِ أَوِ التَّعَصُّبِ. C'est ce qu'on a cité auparavant. Imma l'ignorance, ça pousse à l'égarement. Imma ayadan billah les passions. Al-jahl ou at-ta'assub. Et les groupes qui se sont égarés fi hadha al-bab, on les a déjà cités plusieurs fois. Et inshallah, dans l'étude de hadha al-kitab et autres, on reviendra sur les égarements de al-mu'tazila ou al-jahmiya ou al-ash'ira, etc. Et on les a étudiés ensemble, wallahi alhamd, sur la série sur les sectes. Qala. أحببت أن أكتب فيه ما تيسر من القواعد. à la fin de la Muqaddimah, Cheikh Ibn Uthaymeen, rahimahullah, il a cité pourquoi il a écrit ce livre. Al-Haqiqa, il a mis en application, rahimahullah, il a mis en application, rahimahullah, ce qu'il a appris. Il a appris des choses et il les a résumées dans ce livre pour le muslimi. Il y en a beaucoup de gens, ils se sont écarivés à Dalbab. Ba'dhum kama qulna harrafu, ils ont déformé des noms, des attributs. Ba'dhum, ils ont rejeté. Ba'dhum, ils ont fait ressembler à la créature. Wahakada. Cheikh Ibn Uthaymeen, rahimahullah, il a résumé ses qawa'id dans ce kitab. واستفاد كثيرا من الامام ابن القيم رحمه الله que ça soit بدائع الفوائد واخرى خاصه بدائع الفوائد الامام ابن القيم رحمه الله il a cité beaucoup de règles. Cheikh Ibn Uthaymeen, il les a résumées هنا, il les a simplifiées, il a retiré certaines choses, il a ajouté certaines choses et il a formulé avec un kalam très simple, حتى العامي il peut comprendre هذا الكتاب. Certaines masa'il, ربما, ça a besoin d'un peu de temps les simplifier. Et la ghalib al-kalam, la plupart de ces paroles dans ce livre, rahimahullah, elles sont très très simples. Et ça nous montre un maqsad adim fil ilm. Et c'est de simplifier. Ne pas croire que le ilm, c'est écrire beaucoup de livres, s'étaler dans certaines choses. C'est pas que ça le ilm. Ahyana na'am, il faut hada. Lakin, العلماء يذكرون أن من مقاصد هذا العلم سيدو ريزومي. فالشيخ ابن عثيمين في هذا الكتاب إلى ريزومي كلام ابن القيم sous forme de règle. Et si tu viens comparer كلام ابن القيم رحمه الله كلام الشيخ ابن عثيمين, tu verras que le كلام il se ressemble. الشيخ ابن عثيمين il a simplifié كما فعل في التدمورية الحموية avec التقريب التلخيص تلخيص الحموية رحمة الله عليه. قال راجيا من الله تعالى أن يجعل عملي خالصا لوجهه موافقا لمرضاته نافعا لعباده وسميته والقواعد المتلى في صفات الله تعالى وأسمائه الحسنى. نعم. Donc ce livre, c'est un résumé de certains chapitres de بدائع الفوائد de l'imam Ibn al-Qayyim رحمه الله تعالى. هذه مقدمة سهلة نافعة إن شاء الله تعالى. Et نسأل الله سبحانه وتعالى من فضله وأن يوفقنا لدراسة هذا الكتاب وفهمه والعمل به. Et à partir du prochain cours, بإذن الله عز وجل, on commencera l'étude des règles في أسماء الله عز وجل. Donc on répète, ce livre il est fait en quatre parties. La première partie, sept règles sur les noms, très simple. Thomas, deuxième partie, sept règles sur les attributs. As-sifat. Ça te fait 14 règles. Thomas, sept règles dans les noms et les attributs. Ou aql. Donc des règles dans les noms, des règles dans les attributs, et des règles, elles concernent les noms et les attributs. Thomas, la dernière partie du livre, des rudud ala ahli shubuhat. Khassatan al-ash'ira, qui se sont égarés fi hadha al-bab. Al-ash'ira, kadhalik ils appellent al-ash'ariya, ils ont des shubuhat, et Cheikh Ibn Uthaymeen, il a répondu à ces shubuhat dans هذا الكتاب. On a dit sept règles dans les noms, sept règles dans les attributs et quatre règles dans les noms et les attributs. Donc ça fait 7 et 7, 14 et quatre règles dans les noms et les attributs. Ça fait 18 règles en tout. ثم الفصل الرابع des shubuhat الجواب عنها. On lira pas le fasl الرابع. لماذا لأن on l'avait lu et étudié avec les frères dans des dourous précédents, et on ne l'avait jamais propagé. Inch'Allah, on en profitera pour propager, et celui qui veut finir le livre, il finira avec les audios. Et c'est très simple. Al-Aham, l'essentiel à notre niveau, nahnu, c'est les règles. L'imam, il y en a la première fois qu'on avait enseigné les livres de Al-Aqidah, on avait fait le Lum'a, thumma Al-Qawa'id, thumma قاعد المثلة ثم الواسطية والطحاوية et après on avait fini avec التدمورية التقريب الحموية. À la fin on avait lu هذا الكلام, لأن هذا الكلام في الحقيقة ça demande des bases, c'est des redoutes, et on avait préféré le faire à la fin de tous les livres. فالحمد لله on les avait enregistrés. Ensemble on lira les قواعد, et le quatrième chapitre c'est la fin du livre, c'est quelques pages, et Inch'Allah on propagera les dourous. C'est celui qui veut les écouter et يعلق, فإن شاء الله il le fera seul. هذا والحمد لله.